objectif c'est gagner tous les combats. Il prouve. Ma vie c'est comme un cinéma. Ma vie c'est comme un cinéma. Chaque jour la même démarche. Marche puis je marche. Je remarque que le monde en arrache. Plein de tâches qui s'attachent. Non pour percer c'est pas de même que ça marche. Moi je vais rester real jusqu'à temps que ma face se plie. C'est dans mes textes que le message est transmis. Les wax multiplient. Trop de fucking wacky boy ici. Là c'est Richie qui vous le dit. Moi je suis un vagabond. Je vagabonde avec mon baluchon. Dans ce monde d'imperfection, je vous quitte dans n'importe quelle fonction. Richie le pauvre mon titan. Non j'ai pas besoin de vos dons. Mais regardez donc, c'est qui que le guidon. Quand j'embarque dans l'action, il n'en c'est écrit caution. Sur mon front, je monte mon évolution à ma façon. C'est pour ça que je se retrouve en pole position. Non c'est pas une illusion, on faut des estoy en prison. Chaque jour on court, suivant les détours. C'est toujours le même discours, la vie ne fait la cour. Chaque jour on court, suivant les détours. C'est toujours le même discours, la vie ne fait la cour. La vie ne fait la cour, c'est toujours le même discours. À se vendre les détours, chaque jour il faut qu'on court. La vie ne fait la cour, c'est toujours le même discours. À se vendre les détours, chaque jour il faut qu'on court. J'commence à avoir mal à la tête. Tourne peut-être pas rond dans ma tête. À cause de la population malhonnête. C'est qu'à cause de la façon que je manipule le mic. Check les paparoles, c'est nous qui est en tête. Moi je trouve ça enfantin quand je vois des jeunes gamins qui pensent percer du jour au lendemain. Watch out on s'en vient. Richie le pauvre s'impose. All day every day je compose. Party every day. Fuck ça y'a pas de pause. MC de fonction. Richie le pauvre la nouvelle vibration. Donne des frissons avec un brain rempli de profusion. Fuck ta démission, moi je pars en mission. Puis je me fous de vos réactions. Puis je me fous de vos réactions. Chaque jour on court, suivant les détours. C'est toujours le même discours, la vie ne fait la cour. Chaque jour on court, suivant les détours. C'est toujours le même discours, la vie ne fait la cour. La vie ne fait la cour. Passe toujours le même.